بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس الثالث واربعين واربعين ومئة 143e leçon. في السؤال الواحد وسبعين ومئتين وألف 1271e question. ماذا يقول إذا هبت الريح؟ Que faire lorsque le vent se met à souffler? Donc là, à ce moment-là, il y a une invocation à faire de protection. Car les autres, parmi les communautés antérieures, certaines, ont été détruites par le vent. Donc il faut toujours craindre qu'Allah Azza wa Jalla nous atteigne son châtiment à cause de nos manquements, de nos péchés. Nous ne sommes pas à l'abri. Dans le hadith de Aïcha, قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وما شر أرسلت به. رواه مسلم. Que disait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, oh Allah, je te demande son bien, c'est-à-dire le bien de ce vent, et le bien qu'il a en lui. Parce qu'en rire en arabe, c'est féminin. Alors le vent en arabe, c'est féminin. Donc, on répète, oh Allah, je te demande son bien, et le bien qu'il y a en lui, et le bien pour lequel il a été envoyé. Je recherche refuge auprès de toi pour son mal, le mal qu'il y a en elle, et le mal pour lequel elle a été envoyée. ثم قال في السؤال الثاني وسبعين ومئتين وألف 1272e question. أذكر بعض آداب الاستئذان. Donc il dit maintenant c'est certains comportements à avoir lorsqu'on demande la permission, c'est-à-dire pour rentrer chez quelqu'un. فقال أولا ترك الباب باللطف. On frappe la porte doucement. D'accord. Contrairement à ce qu'on pouvait voir chez, par exemple, les quand les autorités viennent, les gens comme ça ils viennent, ils frappent fort. Toi le musulman, tu vas voir ton frère ou des gens que tu connais, tu frappes doucement. Comme dans le hadith de Anas, قال إن بواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكرع بالأظافر. Il disait que les portes du prophète sallam étaient légèrement frappées par les ongles, c'est-à-dire le bout des doigts, légèrement. Apporté par le Bukhari dans Adab al-Mufrad. Car frapper fort d'un coup, ça peut faire peur aux gens. Aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on a ce qu'on appelle les sonneries. On fait autre chose, on ne frappe plus trop à la porte. Mais pour les gens qui sont encore dans des demeures, on frappe à la porte, on frappe doucement. Et pareil, par exemple, une sonnerie, l'équivalent serait de donner un petit coup de sonnette. Pas de rester appuyé sur la sonnerie pendant je ne sais combien de temps. Après, que l'on se tienne, on ne se tienne pas devant en face de la porte, mais sur les côtés de la porte. Ou à la droite ou à la gauche. Comme dans le hadith de Salim ibn Sa'd, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إِنَّمَا جُعِلَ الْاِسْتِيذَانِ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ. Que la demande de permission avant d'entrer chez quelqu'un, justement, n'a été légiférée que pour préserver le regard. Parce que quelqu'un, quand il est devant la porte, on ouvre la porte, il voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il se peut qu'une femme passe ou qu'il voit une chose qu'il ne veut pas qu'on voit. Donc qu'est-ce qu'il fait par politesse? Il se met sur le côté. D'accord? Il se met sur le côté. Comme ça, lorsque la porte elle, est ouverte, il ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur de la maison. ثم يقول في السؤال الثالث وسبعين ومئتين وألف 1273e question. ما يسير الاستئذان. Maintenant, c'est quoi la formule employée pour pouvoir demander la permission? D'accord. Donc dans le hadith de Qalada ibn Hanbal رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسلم عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل. Qu'il est dit qu'il est rentré chez le prophète صلى الله عليه وسلم sans lui passer le salam. Le Nabi sallam lui dit retourne, reviens d'où tu viens, passe le salam et dis est-ce que je peux rentrer. Et dit est-ce que je peux rentrer. Il est certain que ce sahabi était encore petit quand il a fait cela. Et également, c'est une chose que l'on trouve dans les pays où les portes sont ouvertes. Il y a des endroits où les gens vivent encore avec les portes ouvertes. Moi, je me rappelle, petit en Martinique, les portes étaient toujours ouvertes. Bon, ce n'est pas un pays d'islam, mais pour te dire qu'il y a des gens. Par exemple ici également au Yémen, à El Hami, là on était, là où il y a le mercredi de Cheikh Abou Bilal Al-Hadrami, les gens laissent les portes ouvertes pour que l'air puisse passer. Et Alhamdoulilah, c'est un lieu où il n'y a pas de crime qu'on peut trouver en Occident ou dans d'autres pays. Les gens ils sont en confiance, ils se connaissent les uns les autres. On ne dit pas qu'il n'y a pas de mal, mais ça n'a rien à voir avec les pays dans lesquels vivent les gens en Europe, en Amérique ou dans d'autres endroits. Là-bas, la sécurité, on la voit, on la trouve. D'accord? Maintenant, quand quelqu'un fait un mal, c'est une chose qui est immense pour eux. C'est une chose qui est immonde. Et généralement, il se fait attraper. Car tout le monde se connaît. Dans ces petits villages-là, tout le monde se connaît. ثم قال في السؤال رابع وسبعين ومئتين وألف 1274 question. كم الاستئذان؟ Combien de fois demande-t-on la permission? Donc par exemple, combien de fois on va frapper à la porte ou sonner à une porte pour qu'une personne puisse nous ouvrir? Et ça c'est dans le hadith de Abi Musa al-Ash'ari. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع متفق عليه. Donc, le demander la permission, ça se fait trois fois. Tu frappes trois fois à la porte. Ou tu sonnes trois fois la sonnerie. Et si on ne te répond pas, tu t'en vas. D'accord? Tu ne t'en vas. Tu n'insistes pas plus. Maintenant, il y a des cas particuliers. Quelqu'un qui veut rentrer chez lui, par exemple, sa famille n'entend pas. Ou c'est chez lui. Ou on sait qu'on l'attend. D'accord? Que les gens n'entendent pas, ça c'est autre chose. Là, on parle du comportement de base à avoir. Tu viens visiter une personne. Tu viens visiter une personne. Tu frappes à sa porte trois fois ou tu sonnes trois fois. Car des fois, les gens ne veulent pas recevoir de gens. Ils n'ont pas envie de recevoir, ils n'ont pas envie d'ouvrir la porte, s'excuser. Peut-être qu'il est dans une situation où, voilà, il n'a pas envie. Donc il ne faut pas mettre les gens dans la contrainte, les sonner pendant 4 heures, je ne sais combien de temps, pour que la personne puisse t'ouvrir. Il ne veut pas t'ouvrir. Ou il est occupé, d'accord. Ou peut-être qu'il n'entend pas pour d'autres raisons. Voilà, Kaza. Et aussi une chose que l'auteur a oublié de citer, comme le hadith de Anas. Lorsque tu frappes à la porte ou on sonne et quelqu'un te dit qui est-ce? Tu réponds par ton nom. Tu dis pas c'est moi. D'accord? Car justement, Anas avait frappé à la porte. Il a parlé au Nabi Sallam, man, et il a dit Ana, Ana. Et après, le Nabi Sallam a répété Ana, Ana d'à côté de réprimande pour dire dis ton nom. Ana, Ana, ça ne suffit pas. Dis je suis Foulen. D'accord? Je suis Foulen. Tu ne dis pas Ana. Tu ne dis pas moi. C'est moi. ثم قال في السؤال السادس وسبعين ومئتين وألف 1276 question. ما جزاء من تصدق بصدقة فأخفاها؟ Quelle est la récompense de celui qui fait une sadaqa, une aumône, et qui la cache? Que ça ne se sait pas. يقول يذل الله في ذله يوم لا ذل له لا ذل لا ذله والدليل في السؤال الذي يلي. D'accord, que celui qui fait une sadaqa et qu'il ne la montre pas, ou que lui-même ne sait peut-être même pas combien il a donné, qu'il sera sous l'ombre d'Allah Azawajel le jour où il n'y a plus d'ombre pour personne. Et cette ombre-là, ce n'est pas une sifat, un attribut d'Allah, c'est une création. Cette ombre-là est une création. Comme de la hadith, justement, des sept qui seront sous l'ombre d'Allah ce jour-là, et cite, parmi eux, il y a un gouverneur qui est juste. D'accord ? Il y a un jeune qui a grandi dans l'adoration, un jeune, c'est-à-dire qu'il n'a pas été comme les autres jeunes à aller jouer ou faire ce genre de choses, il lui a grandi dans l'adoration. Il y a celui dont le cœur est accroché au masajid, qui aime être dans les masajid. Il y a deux hommes qui sont aimés en Allah, qui se sont regroupés pour Allah et se sont séparés pour Allah. Il y a un homme dont une belle femme noble l'appelle pour commettre l'interdit et qu'il dit et qu'il est seul avec elle et il dit j'ai peur d'Allah. D'accord? Et là le shahid là, il y a celui qui fait une aumône si discrète que sa main gauche ne sait pas ce que ça donnait sa main droite. Ou plutôt que sa main droite ne sait pas ce qu'a donné sa main gauche. D'accord? Et il reste à fois le septième, là c'était le sixième, une personne qui lorsqu'il est seul, qui évoque Allah Azzawajal, il se met à pleurer. Ces sept-là seront sous l'ombre d'Allah, Azawajel, le jour de la résurrection, ce jour-là où il n'y aura nul d'ombre pour personne. Et que le soleil sera au-dessus de nos têtes. Et ce sera un jour de grande affliction. Le hadith rapporté par Bukhari au Muslim. Ce maqala fi su'al al-thamin wa sabirin wa miyatinu alf, 1278e question. Il est à saddaqa al-muslimu fa'ayyan kusum ma'aluhu. Maintenant, si un muslim fait une aumône, est-ce que cela réduit de son bien? Et cela ne réduit rien du tout de ce qu'il possède en réalité. Comme dans le hadith de Abu Huraira, Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala, Man akasa sadaqatu min malin, wa ma zada Allahu عبدا بعفو إلا عزا وما توضع أحد لله إلا رفعه الله. Qu'il a dit que celui qui fait une aumône, cela ne réduit en rien de ses biens. Et que celui qui pardonne, d'accord, celui qui veut qui demande pardon, cela ne réduit en rien. Que Allah ne lui apporte justement encore plus de fierté. Ce n'est pas un rabaissement, au contraire. Et que personne ne sait, n'a fait preuve de modestie pour quelqu'un sans que Allah l'élève encore plus. Rapporté par Muslim. Et ça, wallah, c'est une chose qui est constatée dans les sadaqas, dans les aumônes, comme des frères le rapportent. Des frères disaient, il y avait une certaine somme d'argent. J'en ai pris une partie pour donner un sadaqa à des gens. Et dit, peu de jours après, cette même somme m'est revenue par quelqu'un d'autre. Je l'ai redonné à d'autres personnes. Cette même somme m'est revenue. Dans le sens que par une autre voie, il a reçu lui-même de l'argent qui équivaut à la somme que lui-même a donnée en aumône. Et que ceux qui ont de l'argent qui donne en aumône, qui ne se disent pas, cet argent-là, je vais le perdre. Tu n'as rien à perdre. Tout comme l'aumône n'est pas une chose obligatoire. Et des fois, des gens sont dans le besoin, des mendiants, parmi les muslimines, et leur donner un petit quelque chose, ça ne nuit en rien du tout. Maintenant, si tu sais que c'est quelqu'un qui ment, ou qui escroque, qui est un imposteur, ça c'est autre chose. Mais tu vois une personne dans le besoin, et que tu l'aides, ne te dis pas, ah, j'ai pas assez, ça va perdre, je vais perdre de mes richesses. Non. À part bien si tu as une somme particulière, une chose particulière que tu dois faire, là c'est autre chose. On parle, tu as une somme d'argent dans ta poche, d'accord, ou tu as des choses chez toi, et que tu veux les donner, ne te dis pas, en la donnant, je vais la perdre, forcément. Et aussi un conseil pour ceux qui sont en pays de couf, qui veulent faire des sadakas à des mécréants, comme par exemple ce qu'on appelle les clochards, les SDF, je leur conseille fortement. C'est une bonne chose de leur faire aumône, car ce sont des mécréants, et ça les appelle à l'islam, mais ne leur donnez pas en argent. Car ces gens-là, vous savez de quoi ils vivent de l'alcool. Ils sont des alcooliques. Donc donnez-leur de la nourriture, par exemple, ou si vous avez des vêtements chauds en plus, donnez-leur des vêtements chauds en plus. Ah, mais en argent, je vous le déconseille. Non pas que ce soit interdit, mais cet argent-là, ne croyez pas qu'il va aller acheter une couverture avec ou qu'il va aller acheter à manger avec. Il va aller acheter à boire avec. C'est une chose qu'on a vue. Moi, je me rappelle une fois en France, j'avais une sadaqa de fitr, au début de l'islam. Je ne connaissais pas encore les règles. Je devais donner à un musulman, je ne savais pas à qui donner. Je ne trouvais pas de pauvre parmi les musulmans à qui la donner. Il y avait un homme à un endroit qui était un SDF. Je suis arrivé pour le donner. Il m'a dit, qu'est-ce que je vais faire de ça? Je n'ai pas besoin de ça. Ou une personne qui m'avait raconté qu'il avait, vu un clochard qui demandait de l'argent. Il est parti dans une boulangerie acheter un sandwich crudité. D'accord? Il est venu pour donner le sandwich. Le clochard a balancé le sandwich. Il s'est mis à crier sur la personne. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de cela? Je n'ai rien à faire. Je veux de l'argent, il dit. Je veux de l'argent, il a dit. Pourquoi il veut de l'argent d'après vous? Alors qu'il dit qu'il a faim. Parce qu'il veut de l'alcool. Donc lorsqu'on fait cela, la récompense, elle est toujours pareille. Que tu donnes de l'argent à un clochard, tu donnes un sandwich, c'est pareil. Donc autant lui donner une chose qui lui sera profitable réellement, plutôt que un ta'awun à la ism al-ordouane avec lui. Comme un collègue ta'ala, wa ta'awanu ala al-bir wa taqwa, wa la ta'awanu ala ism al-ordouane. Entrez-vous dans le bien et la piété, et non pas dans la désobéissance et le péché. Ou pareil, tes proches, si jamais tes proches, tu les connais, ils ont besoin de quelque chose, et tu sais que dans cet argent-là, ils peuvent faire du mal. Donne-leur ce dont ils ont besoin, si tu veux vraiment les aider, tant que tu peux. Akada. Non, ça c'est une nasiha. Thumma qala. Thumma qala. Fi s-su'al 83 wa 200,000. 1283, troisième question. Et également celle d'après, Rabia ou Thamanin ou Amiatin ou Alf. 1284e question. En fait, la question c'est combien valent les salats dans le Masjid al-Haram et dans le Masjid al-Nabawi, okay. Combien apporte de Hassanet ces salawats que l'on ferait à Mecca dans le Masjid al-Haram ou à Al-Medina dans le Masjid du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans le hadith de Abdullah ibn Zubayr, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, salatun fi masjidi hadha afdal min alf salah fi ma sawaha min al masajid illa al masjid al haram. Wa salat al masjid al haram afdal min 100 salat fi hadha. Qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'une salat dans mon masjid celui-ci est meilleure que dans tous les autres masjids, hormis le masjid qui est al-haram. Et une salat qui est dans le masjid al-haram est meilleure que 100 salats dans mon masjid. Donc le masjid dans une salat au masjid al-haram, elle équivaut à 100 000 salats. Et celle dans le masjid Nabawi, elle équivaut à 1000 salats. هذا هو الأجر المترتب على الصلوات في هذه الأماكن. ثم قال في سورة 85 و100 و1000 1280 ما هو المسجد الذي صلاة فيه كعمرة كل مسجد من نضم لا صلاة dedans équivaut à une عمرة en récompense. Et c'est le masjid Quba. Le masjid Quba, c'est le premier masjid qui a été construit à El Medina. Comme dans le hadith de Usayd ibn Tuhayl al-Ansari, قال كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصلي في مسجد قباء كعمرة رواه الترمذي كي لدي النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة في مسجد قباء كمن عمرة فالذي أردنا اليوم والحمد لله رب العالمين.